Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. XVIe épisode, La Maison Bleue. Les espions de la Main Rouge sont partout. Partout agissants, partout destructeurs. Même la demeure de Fred Jorgel n'échappe pas à leur contrôle. En effet, Slug, l'ancien gouverneur de l'île des Pendus, le redoutable chef des Tramps, a réussi à acheter le concierge de Fred Jorgel, l'Irlandais Edward Edmond, qui l'oblige à intercepter les lettres et les communications téléphoniques d'Oscar Tournesol. Cornelius et ses acolytes sont ainsi parfaitement au courant de la retraite de Lord Buridan au Canada. Ils ont donné l'ordre à Slug de se rendre à Winnipeg avec pour mission d'éliminer Lord Buridan, le Peau-Rouge Clown et Oscar Tournesol. Ils l'ont également chargé de s'emparer de la fortune d'un vieil avare millionnaire, le baronnet Mathieu Fless. Celui-ci, qui est un cousin éloigné de Lord Buridan, a hérité de lui toute sa fortune au moment du naufrage de la ville de Frisco, où l'on croyait qu'il avait péri. Et vous pensez, mon cher Denis Pasquier, que je vais rester légalement mort longtemps encore? Ah, j'ai hâte de ressusciter. Pourquoi tant d'impatience, Lord Buridan? N'êtes-vous pas bien à la Maison Bleue, avec vos amis? Oh, très bien, mon brave Denis, très bien. Et nous serons assez vous remercier de nous avoir prêté ce chalet. Sinon, nous aurions dû dormir dans les bois. Mais l'inaction me pèse. Et j'ai hâte de rentrer en possession de ma fortune pour reprendre une vie normale. Normal. Quelle extravagance nous préparez-vous? Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'extravagance. Je suis sérieux, très sérieux même. J'ai juré que j'exterminerai la Main Rouge jusqu'au dernier de ses membres et j'y mettrai toute ma fortune s'il le faut. Vaste programme. Et vous comptez y parvenir seul? Je ne suis pas seul. D'abord, il y a mes amis et... Je sais que je peux vous faire confiance. Un notaire, c'est comme un médecin, n'est-ce pas? Et puis, vous êtes mon ami. Alors voilà. Et vous avez sans doute entendu parler de Fred Jorgel. Le milliardaire? Oui. Oui. Eh bien, lui aussi a décidé de se lancer dans la bataille contre la Main Rouge. Vous voyez que je ne suis pas seul. Pour commencer, j'irai anéantir leurs repères dans l'île des Pendus. Et pour cela, il faut que je commence par récupérer ma fortune. Ne vous faites pas d'illusions, cela risque d'être long. Il faut d'abord que vous soyez reconnu légalement vivant. C'est exact. Ensuite, il faudra que je fasse faire les démarches, afin que Mathieu Fless vous restitue votre château et vos propriétés de Winnipeg, dont il a également hérité en tant que votre unique parent. Et il ne se laissera pas faire, le vieil avare. Oh, je ne laisserai pas ce coquin de fesses Mathieu se prélasser longtemps dans mon château. J'aimerais mieux lui couper les oreilles. Enfin, comment se fait-il qu'il soit si difficile de me faire ressusciter alors que mon acte de décès, lui, par contre, a été signé si vite? C'est très simple. Le fils aîné de votre cousin, le baronnet, est attaché au consulat d'Angleterre à New York et... Ah, oui, je comprends. Ah là là, quelle famille que ma famille. Oui, et vous feriez bien d'être prudent. Ces individus sont sans scrupules et capables de tout. Au fait, vous n'avez rien remarqué de suspect autour de la Maison Bleue? Non. En dehors des écureuils, nous n'avons aucune visite et nous ne voyons âme qui vive à 10 lieues à la ronde. Ah, quel ennui. Ah si, il m'arrive de rencontrer parfois 2 bûcherons quand je me promène du côté du ruisseau rugissant. Nous disons bonjour. Deux bûcherons? Ah oui, ce sont sans doute les nouveaux domestiques de Mathieu Fless. Tiens, c'est curieux. Ils sont arrivés il y a une semaine environ, quelques jours après votre arrivée. Oh, une simple coïncidence, sans doute. Oh là, Grise, oh là. Eh bien, vous voilà arrivés. Vous n'entrez pas un moment? Oh non, excusez-moi, mais je sens qu'il va y avoir un orage et j'aime autant rentrer en ville avant qu'il n'éclate. Dès que j'ai du nouveau, je vous préviens. Attendez. quel temps! Tout à fait une soirée rêvée pour rester au coin du feu. Qu'est-ce qu'il y a, Clum? Tu as l'air aussi anxieux que lorsque tu étais à New York. La main rouge ne viendra pas nous chercher si loin, hein? Vous n'entendez rien? Mais non, pas rien, c'est bien ce que je disais. Tu es trop nerveux, Clum. Tiens, regarde notre ami le fou, il est tranquille, lui. On dirait que rien ne peut l'atteindre. Je suis sûr qu'il n'est pas si fou que ça, mais simplement amnésique. Quand mes affaires seront arrangées, il faudra que je me renseigne sur lui et que j'arrive à connaître son nom et ses antécédents. Très bien, Oscar. Qu'as-tu à le regarder comme ça? C'est marrant, mais plus je le regarde, plus j'ai l'impression qu'il me rappelle quelqu'un. Et au moment où je l'ai, comme qu'il irait sur le bout de la langue, ça s'en va. Et à chaque fois, ça me fait la même impression. Hein. C'est comme si une figure de cire du musée Grévin était en train de fondre. Enfin, c'est sans doute parce que je me suis habitué à le voir. Ouais. Excellent ce whisky. Tu ne veux vraiment pas en goûter, Oscar? Oh, Oscar, tu rêves? Hein? Non, je rêve pas, je réfléchis. Je comprends vraiment pas ce qui se passe à New York. Depuis que nous sommes ici, j'ai envoyé 8 lettres à Mademoiselle André et autant à Monsieur Agénor, et pas de réponse. Je commence à être inquiet. Et s'il faut en croire ce que m'a dit cet homme au téléphone la semaine dernière, Monsieur Agénor aura quitté l'Amérique sans nous prévenir. C'est vrai, ça ne lui ressemble pas. Hein. J'ai beau me creuser la tête, j'arrive pas à trouver d'explication. Nos lettres ont peut-être été interceptées. J'y ai bien pensé. Ce sera en effet possible au Preston Hotel, mais pas chez Fred Jurgel. Tous ses serviteurs sont des hommes de confiance. Et puis autre chose que je comprends. Quoi encore? Il est anormal que Fred Jurgel ait refusé de me répondre. Il était parfaitement au courant de mes projets, il avait aucune raison de m'en vouloir d'avoir quitté New York sans le prévenir. Tout ça est bizarre, très bizarre. Si demain nous n'avons pas de lettre, je pars pour New York. Au moins nous en aurons cœur net. Tu as peut-être raison, Oscar, mais... Chut! Cette fois-ci, je suis sûr que j'ai entendu quelque chose. Écoutez! Tu bois trop de whisky, Clum, fais attention. Ah, vous voyez? Clum ne se trompe jamais. Dans ma réserve, on m'appelait Oreille de Lynx. Chut, mon fusil. Oscar, toi ton revolver? Oui, oui. Bien. Va ouvrir, Clum. Mais surtout, ne quitte pas ton brownie. Hein? Excusez-moi, monsieur. Oh, non, entrez, n'ayez pas peur. La voisine est blessée? Non, elle est seulement évanouie. Nous avons été surpris par la pluie. Elle a glissé dans la boue. Je ne crois pas qu'elle ait quoi que ce soit, rien de cas cela. Et j'ai vu de la lumière chez vous, alors j'ai pensé... Non, vous avez très bien fait de frapper à notre porte. Tenez, installez-la près du feu. Hein? Bien. Et maintenant, une bonne gorgée de whisky et elle ira mieux. Tiens, Clum, aide-la. Tiens-lui la tête. C'est qu'elle est belle. Chut, Clum, voyons. Voilà, vous voyez, elle revient à elle. Où suis-je? N'ayez pas peur, mademoiselle, vous êtes chez des amis. Vous vous sentez mieux? Oh oui, monsieur, merci. Et vous, monsieur, buvez donc aussi un peu de ce whisky, vous avez l'air d'en avoir besoin. Monsieur... Noël Fless, excusez-moi de ne pas m'être présenté. Mademoiselle est ma fiancée, Ophélia. Ah, oh, eh bien, toutes mes félicitations, jeune homme. Dites-moi, mon cher Noël Fless, seriez-vous par hasard parent du baronnet Mathieu Fless? Je suis son fils. Ah, mais alors, nous sommes cousins. Permettez-moi de me présenter. Lord Astor Buridan. Lord Astor Buridan. Mais vous vous plaisantez? Jamais. Lord Buridan est mort et mon père a même hérité de toute sa fortune. Il vit dans son château. Eh bien non, comme vous pouvez le voir, je suis aussi peu mort que possible. Et je vais d'ici peu de temps donner la preuve à votre honorable père et à votre non moins honorable frère. Car, dites-moi, ce n'est pas vous l'attaché d'ambassade, j'espère, hein? Oh non. C'est mon frère. Je n'en finirai donc jamais d'avoir à rougir des agissements de mon père et de mon frère. Dites-moi, en quels termes êtes-vous avec votre père? Très mauvais. Ah. Quand il a su que je voulais épouser Ophélia, qui est sans fortune, il m'a chassé de chez lui. Maintenant, j'habite dans une petite maison qui appartenait à ma mère. Je vis de pêche, de chasse et de la culture de mon jardin. Ça me suffit largement. Je serais même parfaitement heureux si je pouvais épouser ma chère Ophélia. Eh bien, épousez-la, que diable! Hélas, c'est impossible. Voyez-vous, Ophélia est orpheline. Elle a été recueillie par une tante très pieuse qui n'acceptera ce mariage que le jour où mon père donnera son consentement. Ah. Et il ne nous le donnera jamais. Oh oui, il me déteste. Et cela parce que je n'ai pas de fortune. Cela s'arrangera, voyons. Quant à moi, je bénis cette tempête qui m'a permis de faire votre connaissance. Et je sens, mon cher cousin, et vous, ma future cousine, que nous allons très bien nous entendre. Bon, il commence à se faire un peu tard et... Ah oui, c'est vrai. La tempête semble s'être calmée. Je vais pouvoir redescendre à Winnipeg maintenant. Je me sens parfaitement bien. Oui, oui. Nous n'avons que trop abusé de votre hospitalité. Permettez-nous de prendre congé. Vous voulez rire en plein milieu de la nuit? Pas question. Vous dormirez ici cette nuit. Oh. Clou m'a déjà préparé vos lits. Demain matin, la carriole de mon ami doit venir nous chercher et nous reconduirons Miss Ophelia à Winnipeg. Eh bien, ma chère Miss Ophelia, vous avez l'air bien triste ce matin. Oh, il y a des moments où je suis désespérée. Je ne pourrai jamais épouser mon cher Noël, je le sais bien. Mais voilà plus d'une année que nous sommes fiancés. Oh, je me moque bien de l'argent, mais si je possédais une belle dot, je suis sûre que le baronnet Mathieu Fless serait le premier à m'accorder son consentement. Arrêtons-nous ici. Oh là, la grille, oh. Ne vous désolez pas ainsi, chère Miss Ophelia. Je suis sûr que tout s'arrangera d'ici peu, je vous le promets. Je ne sais pas encore comment je m'y prendrai, mais je ferai entendre raison à ce vieux Grigou. C'est vrai? Parole de Buridan. Êtes-vous loin de chez votre tante, ici? Oh non, c'est à 10 minutes à pied. Bien, Oscar va vous accompagner, n'est-ce pas, Oscar? Ah oh, ouais. Et n'oublie pas de passer à la poste. Ensuite, tu me retrouveras chez Denis Pasquier. Allez, une grise! Merci pour tout, sœur, et à bientôt! Quel homme sympathique. Ah ouais, c'est un gars formidable. Et vous en faites pas, vous savez, quand il dit quelque chose, il tient ses promesses. C'est là. Vous en êtes déjà arrivé? Bon, c'était pas bien loin. Hein. Elle s'appelle Madame Sibylla, votre tante? Ah non, c'est pas ma tante qui habite ici. Bah, pourtant, il y a bien marqué Madame Sibylla sur la plaque. Monsieur Oscar, est-ce que je peux vous confier un secret? Ah oui. Je suis superstitieuse. Et il y a longtemps que j'ai envie de consulter Madame Sibylla. C'est une diseuse de bonne aventure. Vous croyez à ces trucs-là, vous? Oh oui. Elle me dira peut-être si mon mariage aura bientôt lieu. Seulement, je n'ai jamais osé rentrer. Il paraît que Madame Sibylla est une vraie sorcière. Ah, si je comprends bien, vous voudriez que je vous accompagne? Oui, monsieur Oscar. Je n'osais pas vous le demander. Et ça me ferait tellement plaisir. Je sais que c'est ridicule, mais c'est plus fort que moi. Bah allons-y. Je vois que vous aimez et que vous êtes aimé. Ce que vous voulez savoir, c'est quand vous serez unis à votre fiancée. Oh oui, vous pouvez me le dire. Eh bien, soyez heureuse. Vous n'aurez pas longtemps à attendre. Plusieurs personnes d'un rang distingué travaillent sans s'en douter à votre bonheur. Tiens. Ah. Prenez garde. Je vois des assassins et des traîtres tourner autour de vous. Vos vœux seront exaucés, mais il y aura du feu et du sang. Le squelette au linceul noir ébréchera sa faux contre l'épée lumineuse de l'ange blanc à la cuirasse d'argent. Aurais-je un fils, madame? Prenez garde d'être mère avant que d'être épouse. Et vous, monsieur, vous ne demandez rien? Non, moi je crois pas à tous ces machins-là. Vous avez tort, jeune homme, car je vois beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez. Il y a dans votre vie un vieux monsieur à cheveux blancs et un chien. Montrez-moi votre main. Oui, je vois le chien. Tiens, le vieux monsieur lui apprend à écrire. C'est curieux. Ces pistolets, c'est moi qui lui ai appris à écrire. Dites, madame, allez, dites encore ce que vous voyez. Le vieux monsieur tient une boussole et un sextant. Il donne au chien des lettres en bois. Je distingue un N, un O, un R, un D, Nord. Oui, C'est cela. Il a écrit « Nord ». Ensuite, je... non. Je ne distingue plus rien. Je suis fatiguée. Il faut que je m'arrête. Eh ben ça alors. Ben ça alors. Mais qu'avez-vous, monsieur Oscar? Vous êtes tout retourné. Oh ben ça alors. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. J'ai dérangé le scepticisme de monsieur. Cela arrive souvent à ceux qui ne croient pas à ma science. Combien vous devons-nous, madame? Ce que vous voudrez. Tenez. Et merci encore. Au revoir, madame. Ah, monsieur, avant que vous partiez, je dois vous prévenir. Je vois un grand danger suspendu au-dessus de votre tête. Méfiez-vous d'une grosse automobile rouge et noire. C'est tout ce que je puis vous dire. Une automobile rouge et noire ? Quel silence. Tu as vu ce clair de lune? Je suis content d'entrer à pied. Ce paysage est superbe. Hé, hey Oscar, je te parle. Tu rêves? Pardon, sœur. Alors, tu es toujours décidé à partir pour New York demain? Ah oui, et quoi bon attendre? Il n'y avait toujours pas de lettre à la poste aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il y en ait une demain, alors... Eh bien, quand tu reviendras au Canada, tu pourras aller directement au château où loge actuellement Mathieu Fless. J'y serai. Denis Pasquier a reçu tous les papiers de Londres. Je suis officiellement de nouveau vivant. Et le vieux Fess Mathieu va recevoir l'avis de me rendre mes biens. C'est qu'une question de jour. Qu'est-ce que tu as, Oscar? Depuis que je t'ai retrouvé chez Denis Pasquier, tu es tout bizarre. Dis-moi, serais-tu tombé amoureux de la belle Ophélia? Non, sœur, c'est que... Vous voyez, ben... Ce matin, on est allé consulter. Oui. Attention, sœur, attention, vite, sautez sur le talus! My God, j'ai entendu la balle siffler à mon oreille. Oscar! Ça va? Oscar! Oscar, où es-tu? Oh mon Dieu, ils l'ont eu. Oscar! Il a été touché par une balle. Bon, c'est à l'épaule, ça a l'air très superficiel. Heureusement! Oscar! Oscar, mon petit Oscar, tu m'entends? La prédiction, Madame Sibylla. Non. Mon brave pistolet ou... Quoi? L'automobile rouge et noir. L'automobile fantôme. Ah, mon pauvre Oscar, tu délires. Non, si c'est encore c'est un coup de main rouge, ils me le paieront très cher. Chère Ophélia, tout s'arrangera. Je vous l'ai promis. Je suis encore allée l'implorer aujourd'hui. Il m'a chassée. Aujourd'hui n'était sûrement pas le jour à faire une telle démarche. Pourquoi? Parce que tous mes papiers sont enfin arrivés de Londres et que le vieux a dû recevoir ce matin l'ordre de me restituer mes biens. Ah, mes amis, j'ai une idée. Si nous passions la soirée ensemble, nous allons fêter ma résurrection et le prochain mariage d'Ophélia. D'accord, Noël? Si Ophélia veut bien, moi je suis d'accord. Bien. Oscar, la balle que tu as reçue il y a 3 jours ne te fait plus mal? Non, c'est déjà l'histoire ancienne. Bien. Hein? Qui cela peut-il bien être? Cloum, prends ton pistolet et va ouvrir. Ouais. Bonsoir, monsieur dame. Bonsoir, mon brave. Lord Buridan, s'il vous plaît. Soi-même. Je suis le domestique du baronnet Mathieu Fless. Mon maître m'a chargé de vous inviter à venir lui rendre visite. Il m'a aussi chargé de vous dire qu'il avait un arrangement à vous proposer. Tiens, un arrangement. Et quel arrangement? Mon maître ne m'a rien dit d'autre. Et il est tard, il fait nuit et je reçois... On n'est qu'à 10 minutes à pied en passant par le pont qui traverse le torrent du ruisseau rugissant. Ah, voilà, c'est vrai. J'avoue, je suis curieux. Va dire à ton maître que je serai chez lui dans 1 heure, avec tous mes amis. Très bien, sœur. Je cours le prévenir. Et dis à ce vieil avare de nous préparer une réception digne du lord que je suis. Je me demande ce que ce vieux Grigou peut encore avoir inventé. Vous voulez vraiment que nous venions avec vous? Ah, mais surtout. Écoutez. Chut, chut. Oreille de lynx a encore entendu quelque chose. Mais tu as raison, Cloum. On dirait des coups de hache. Tiens, c'est bizarre. Ça a l'air de venir du côté du pont. Si tu allais voir, Cloum. Oui. Prends ton pistolet, fais attention. Oui. Alors, tu as l'air tout retourné, qu'est-ce qui se passe? C'était les deux domestiques de Mathieu Fless. Ils étaient en train de couper les pieds du pont. Ah, je comprends, c'était un traquenard. Ce pont est très vermoulu, il suffit de quelques coups de hache bien placés. Et en passant sur le pont, il se serait effondré et nous aurions tous été précipités dans le torrent. Oui, c'est ça. Ah, le brigand. Eh bien, nous allons la lui rendre, cette visite. Cloum, Oscar, Noël et toi, le fou, vous allez emporter les planches qui sont derrière la maison. Comme cela, nous pourrons franchir le torrent. Mais au passage, il faudra qu'on fasse écrouler le pont de bois. Ça fera un vacarme épouvantable et comme ça, il n'y aura pas de soupçons. Ah, très bonne idée, Oscar. Bon, tout le monde est prêt? En route! Je viens avec vous? Mais bien sûr. Attention, ne faites pas de bruit. Nous approchons du château. Chut. Écoutez! Écoutez! Tiens. Le vieux fesse Mathieu aurait-il des ennuis? Ma foi, ça ne me déplairait pas du tout. Approchons du château. Chut. Ne faites pas de bruit, Cloum, enfin. Et regardez, on peut voir par la fenêtre. Les deux domestiques ont ficelé le vieux. Ah, ah, ah, ah, quel spectacle! Arrête de gueuler! De toute façon, tes voisins ne viendront pas à ton secours. T'as entendu le pont s'écrouler? Eh ben, c'était eux, noyer tes voisins. C'est bien ce que tu voulais, hein? Bon, maintenant, fini de rigoler. La clé du coffre, et en vitesse. Jamais! Sam, fouille-le! D'accord. Voilà, je l'ai! Ça vous servira à rien. Non, il y a un code. Il y a un code. Et je ne vous dirai jamais. Non. Oh, tuez-moi plutôt. Te tuer? Ce serait trop facile, pauvre vieux sénile. On connaît des moyens bien plus simples pour faire parler les gens. Allez, Sam, aide-moi à le tirer par les feux. Allez, mets-le encore un peu, là. Voilà. Allez, on va le faire ronfler, ce feu. Regarde ça. Sam, oui. Prends le tisonnier et fais le chauffer au rouge. Allez, le vieux, ce soir, je vais te faire l'honneur de t'enlever tes sabots. C'est du grand luxe, hein? Oh, Berthe! Berthe, t'as vu ses ongles sales, Sam? Hein? Aussi recourbé et tranchant que ceux du diable. Ah, quelle horreur, il est réussi le mieux. Mais c'est affreux, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Sans doute lui chatouiller la plante des pieds avec le tisonnier. Mais il ne faut pas les laisser faire, voyons. Il faut... Ne vous inquiétez pas, Ophélia. Nous interviendrons quand cela deviendra vraiment sérieux. En attendant, cette petite correction me réjouit le cœur. Alors, tu nous dis ce code? Jamais. Dommage. Allez, Sam, vas-y. Grâce, pitié, laissez-moi. Le code. Non, je ne vous le donnerai jamais, non. Sam. Bon, la plaisanterie a assez duré, il est temps d'y aller. Cloum, tu te charges du petit, moi je m'occupe du grand. Tout le monde est prêt? Oui. Allez, on charge! J'ai le petit d'une balle en plein front! Attention, l'autre s'échappe! Ah, j'ai touché au bras, vite! Ne le laisse pas s'enfuir, Cloum, poursuis-le! Bon, Bien, voyons comment se porte notre fesse Mathieu. Mieux, il reprend connaissance. Je vais lui mettre un baume sur ses brûlures et demain ça ira bien. Oh, que j'ai eu peur. En tout cas, nous avons rempli notre mission et tout le monde a été à la hauteur. Même toi, le fou. Ça va? Oui. Mmh. Oui. La violence. Le sang. La belle dame est courageuse. Oh, mais dis-moi, c'est la première fois qu'on t'entend parler depuis que tu es avec nous. Ça va mieux, hein? Oui, mieux. Bien. Je m'appelle... Bon, ben n'insiste pas, ça reviendra. Quant à vous, Mathieu Fless, vous mériteriez que je vous fasse jeter en prison. Mais je vous trouve suffisamment puni comme cela. Demain, vous quitterez mon château. Vous allez me signer séance tenante votre consentement au mariage de votre fils Noël et de Miss Ophélia, que je me charge de doter. Oh, my lord. Non, mais voyons, voyons, c'est tout naturel. Mais dites donc, sacripant de Mathieu Fless, qu'avez-vous fait des tableaux et des objets d'art qu'il y avait dans ce château? Je les ai vendus. Eh bien, vous me les rembourserez jusqu'au dernier sou. C'est compris? Ah, Plou! Alors, il m'a échappé. Il doit se cacher dans les bois. Il faudrait faire une battue. Écoutez. Vous entendez? Chut. Qui peut bien venir à cette heure? Regardez, elle vient de la ferme derrière le château. L'automobile fantôme, la voiture rouge et noire, attention! Vous avez vu, au volant? C'était notre fuyard. Bon, laissons-le courir. Nous le rattraperons bien un jour. Maintenant que je suis rentré en possession de mon nom et de ma fortune, c'est à toute la main rouge que je vais faire la guerre. J'en fais ici le serment solennel. Et je découvrirai qui sont ces chefs. Ainsi, Lord Buridan a déclaré la guerre à la main rouge. Quelle en sera la première campagne? Trouvera-t-il des alliés dans cette gigantesque entreprise? Vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius. Le prochain épisode est La bodega du vieux grillage. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton d'Edith Loria, d'après le roman de Gustave Lerouge. 16e épisode, La Maison Bleue. Avec Pierre Vanek, William Corinne, Marc de Géorgie, Jean-Jacques Aslanian, Emmanuel de Chartres, Annie Sinigalia, Jacques Bretonnière, Juliette Carré, Jacques Giraud, Maurice Gauthier. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon. Chef opérateur du son, Bernard Charon, collaboration technique, Noélie Louis-Marie, assistante, Brigitte Bouvier, réalisation, Alain Barou. Première diffusion sur France Culture, 18 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.